Mais combien est courte et agitée la vie de ceux qui oublient le passé, négligent le présent, craignent pour l'avenir. Arrivés au dernier moment, les malheureux comprennent trop tard qu'ils ont été si longtemps occupés à ne rien faire. Et de ce qu'ils invoquent quelquefois la mort, n'allez pas en conclure que leur vie soit longue. Leur folie les agite de passions désordonnées qui les précipitent même vers ce qu'ils craignent. Aussi, ne désirent-ils souvent la mort que parce qu'ils la redoutent. Ne regardez pas non plus comme une preuve qu'ils vivent longtemps, si le jour, souvent, leur paraît long, et qu'en attendant le moment fixé pour leur souper, ils se plaignent que les heures s'écoulent avec lenteur. Car si quelquefois leurs occupations les quittent, ils sont tout accablés du loisir qu'elles leur laissent. Ils ne savent ni comment en faire usage, ni comment s'en débarrasser. Aussi cherchent-ils une occupation quelconque, et tout le temps intermédiaire devient un fardeau pour eux. Cela, certes, est si vrai que si un jour a été indiqué pour un combat de gladiateurs, ou si l'époque de tout autre spectacle ou divertissement est attendue, ils voudraient franchir tous les jours d'intervalle. Tout retardement à l'objet qu'ils désirent leur semble long. Mais le moment après lequel ils soupirent est court et fugitif, et devient encore plus rapide par leur faute. Car d'un objet ils passent à un autre, et aucune passion ne peut seule les captiver. Pour eux, les jours ne sont pas longs, mais insupportables. Combien, au contraire, leur paraissent courtes les nuits qu'ils passent dans les bras des prostituées et dans les orgies. Aussi les poètes, dont le délire entretient par des fictions les égarements des hommes, ont-ils faim que Jupiter, enivré des délices d'une nuit adultère, en doubla la durée? N'est-ce pas exciter nos vices que de les attribuer aux dieux, et de donner pour excuse à la licence de nos passions les excès de la divinité? Pourrait-elle ne leur point paraître courte, ces nuits qu'ils achètent si cher? Ils perdent le jour dans l'attente de la nuit, et la nuit dans la crainte du jour.